Sont racontés au moment fixé, je jugerai avec droiture. La terre chancelle, mais je tiens ses colonnes. Je dis aux orgueilleux, ne soyez pas fiers. Aux méchants, ne levez pas la tête, car ce n'est ni de l'Orient ni de l'Occident que vient